السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم مرآة أخيه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ندي Chapitre Le musulman est le miroir de son frère. Le musulman est le miroir de son frère. Dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous donne une immense leçon comportementale. Et ce livre est Al-Adabu Al-Mufrad, un livre écrit sur le comportement. Et le musulman se doit d'être à cette image, le miroir de son frère. Et comme nous le savons tous, le miroir a deux connotations. Lorsqu'on entend ce terme, il nous fait penser immédiatement, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le fait de s'observer, le fait de percevoir à travers cela ses défauts. Si il y a une salissure sur le vêtement, si il y a une éclaboussure ou de la nourriture ou autre sur le visage, s'il y a de la poussière ou autre chose sur les cheveux ou sur la barbe, en se regardant dans le miroir, la personne prête attention à tout cela et ça lui permet de visualiser ses défauts. Ainsi, il peut se corriger. Avec sa main, très rapidement, il peut enlever cette imperfection et se coiffer, se peigner, se nettoyer ou autre. Dans le cas contraire, il peut penser qu'il a un vêtement totalement propre, mais une tache visible de tous à l'œil nu lui fera défaut en public. Ce miroir a donc une grande utilité. La deuxième notion, lorsqu'on entend le miroir, on pense à la pureté du verre, à sa clarté. Naam. On pense à sa pureté, à sa clarté. Et le but, ici, c'est la sincérité que se doit d'avoir le musulman avec son frère. Il doit s'acquitter de ses devoirs envers lui, sincèrement. Il doit être une porte du bien. Il doit l'orienter, le conseiller, s'entraider avec lui, l'appeler, l'inviter au bien et lui interdire le mal, et le tout avec miséricorde en espérant son bien. Il doit être propre, digne de confiance et ne jamais le trahir, le tromper. Il se doit, car il l'aime et aime pour lui le bien, l'orienter vers ses défauts avec science, mais également miséricorde. Le but étant qu'il se réforme, qu'il se corrige, qu'il s'améliore et s'élève en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis dans la demeure de la félicité. Et celui qui t'aime n'est pas celui qui te couvrira simplement d'éloges, même si certaines sont véridiques, mais surtout celui qui te permettra de voir tes imperfections, tes défauts, tes fautes, afin que tu puisses t'en défaire, t'en purifier, et donc t'améliorer et te perfectionner. Et il ne faut pas mépriser ce rôle. Il ne faut pas mépriser ce rôle dans la fraternité. J'entends par cela orienter son frère vers le bien et lui montrer ce qu'il y a comme mal. Et dès lors que le conseil sort sincèrement du cœur, dès lors qu'Allah Azza wa Jal voit dans le cœur du croyant l'envie réelle d'orienter son frère vers le bien et faire en sorte qu'il enlève ses fautes, il fera pénétrer ce conseil dans le cœur de l'interlocuteur. Car la parole véridique et sincère, si elle sort du cœur, elle pénètre les cœurs. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. Selon Abi Huraira رضي الله عنه, le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le miroir de son frère. Si il voit en lui un défaut, il le corrige. Si il voit en lui un défaut, il le corrige. C'est comme si une personne avait dit, que signifie le musulman est le miroir de son frère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'il voit en lui un défaut, il le corrige. Le doué d'intelligence, celui qui veut le bien et le salut pour sa propre personne, dès lors qu'il voit sur lui des fautes et du mal, il met l'intention de se corriger. Il met l'intention de se réformer, de s'améliorer, de se séparer du mal et forcément d'aller vers le bien. Tout comme lorsque tu te prépares face au miroir, Naam, tu vois une imperfection, tu l'enlèves immédiatement. Ben c'est ainsi que tu te dois d'être avec tes frères. Ceci dit, il faut que cette volonté soit accompagnée de douceur, de bienveillance, de mansuétude, d'endurance, de bonnes paroles et de sagesse. Et selon l'interlocuteur, la sagesse sera plutôt d'utiliser telle ou telle méthode. Ainsi, tu espères qu'Allah Azza wa Jal lui fasse accepter tes dires pour qu'il puisse se réformer. Barakallahu fikum. Et parfois, nous manquons de science ou d'endurance ou encore de douceur et de bienveillance. Alors la vérité que l'on porte peine à être véhiculée et acceptée. La personne en face, par manque de piété, peut même rejeter la vérité éclatante à cause de nos lacunes personnelles. À l'inverse, lorsque tu te montres savant de la question de laquelle tu parles, sage, miséricordieux, doux, et tu montres que tu veux le bien à la personne et que tu aimes pour elle le bien, il n'a d'autre choix si ce n'est d'accepter ton conseil. Il n'a d'autre choix si ce n'est d'accepter ton conseil. Alors peut-être qu'au début de l'entretien, il se dit « De quoi se mêle-t-il? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il s'occupe de moi ? Est-il de la police ?» Et ce genre de mauvaises paroles. Il veut faire le frère avec moi. Et ainsi de suite, toutes ces mauvaises paroles qu'on peut entendre chez le faible de foi ou l'ignorant. Donc, il ne faut pas aider le shaitan contre ton frère. Il ne faut pas aider le shaitan contre ton frère. Même si lui a l'obligation en réalité d'accepter la vérité, qu'elle lui soit transmise de façon convenable ou qu'elle lui soit transmise de façon blâmable. La vérité est la vérité, on doit l'accepter de qui que ce soit. Mais nous, porteurs de la vérité, nous devons porter cette vérité de la manière enseignée par le messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Moussa alayhi salam et Haroun au pire orgueilleux sur terre, Fir'aoun, il leur a pourtant dit « Idhaba ila Fir'auna innahu tara » فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Rendez-vous tous deux auprès de Pharaon, il a certes dépassé les limites. Dites-lui alors une parole douce. Subhanallah. Une parole douce alors qu'il tuait les enfants de Banu Israël, alors qu'il surchargeaient leurs femmes dans des tâches extrêmement difficiles, alors qu'ils les opprimaient de jour comme de nuit, Allah leur dit, dites-lui des paroles douces. Peut-être se rappellera-t-il, peut-être me craindra-t-il. Ici, Allah sait, et il sait tout, il connaît le futur, il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, et même l'impossible, s'il avait été, comment se serait-il déroulé? Allah sait que Pharaon ne va pas croire. Allah sait que Pharaon va s'enorgueillir et ajouter en transgression. Mais c'est une éducation. À travers cela, on nous éduque, nous, dans le comment de la transmission de ce message. C'est pour cela qu'une personne a été conseillée d'une mauvaise manière. Et il a répondu à son interlocuteur ou au locuteur, non, de toi, il ne sera pas accepté. Certes, je ne suis pas plus mécréant que Pharaon. Et certes, tu n'es pas plus savant et sage que Moussa, alayhi salam, et Haroun. Pourtant, Allah leur dit, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dites-lui des paroles douces. Et le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit, الرِّفْقُ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ لَزَانَ. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Et on ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Et attention à ceux qui disent « Oui, mais c'est ainsi que font les gens. Oui, mais à notre époque, ça ne fonctionne pas. Oui, mais, non. » Nous sommes accrochés à la révélation, nous sommes accrochés au Coran, à la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Et si les gens s'en éloignent, ça ne sera pas une excuse pour que nous en éloignions. Eux ne savent pas et nous avons su. Eux ne veulent pas suivre et nous voulons suivre. Donc, tu ne dois pas copier ce que font la masse dans la société. Et ça ne doit pas te pousser à adopter de mauvaises mœurs. Au contraire, tu dois remercier Allah Azza wa Jal de ne pas t'avoir éprouvé par ce par quoi ils ont été éprouvés. Et tu dois demander à Allah Azza wa Jal de t'ajouter en noblesse et en comportement. Et remarquez la parole du prophète alayhi salat wa salam. S'il voit en lui un défaut. Il n'a pas dit s'il trouve sur lui un défaut. Il ne t'est pas demandé de fouiller. Il ne t'est pas demandé d'espionner. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela dans le Coran. Allah azza wa jal nous a interdit. Wala tajassasu. Allah azza wa jal a interdit l'espionnage dans le Coran. Le Prophète a dit la tattabi'u awrat al-muslimin. Le Prophète a dit un jour, ô vous, Yamen amana bilisani. Ô vous qui avez cru avec vos langues, mais dont la foi n'a pas pénétré les cœurs. La tu'udhul muslimin. Ne nuisez pas aux musulmans. Wala tattabi'u awratihim. Et ne suivez pas leurs défauts. Car quiconque se met à suivre les défauts du musulman, Allah suivra ses défauts. Et quiconque Allah suit les défauts, pour quiconque Allah suit les défauts, il le dévoilera même au sein de sa famille. Même au sein de sa famille. Et ici, on ajoute que c'est à cause du délaissement de cette éducation prophétique que beaucoup tombent dans quoi? Dans la médisance, dans le colportage et les péchés de la langue, qui viennent affaiblir, si ce n'est anéantir, la fraternité qui a été commandée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre révélé et dans la sunna de son messager. Dès lors qu'il ne conseille pas son frère suite au mal qu'il a vu sur lui, il va aller le dire à droite, puis à gauche. Il va ajouter et enlever. Que va-t-il se produire? Ça va parvenir à l'oreille de son frère. Et ça va déclencher l'inimitié, l'animosité, l'éloignement, la dissension. Et le shaitan et les ennemis de l'islam se réjouiront de cela. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخ المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit, d'après Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le musulman est le miroir de son frère. Le croyant est le frère du croyant. Il le protège de ce qu'il anéantit, ou bien il protège sa subsistance. Et il le préserve de derrière. Il assure ses arrières. Et il assure ses arrières. Quant à la première partie du hadith, le musulman est le miroir de son frère, nous venons de l'étudier. C'est-à-dire, il doit, dès lors qu'il voit sur lui un défaut, le conseiller, l'orienter, l'aider à voir ses fautes, l'aider à se corriger. Et il y a une faiblesse évidente de foi lorsque des gens se fréquentent et que l'un d'eux commet des fautes publiques et qu'il ne le conseille pas et ne l'appelle pas à la réforme. Naam. On ne dit pas qu'il faut délaisser, l'abandonner, mais il faut le conseiller. Il faut l'orienter, l'aider à voir ses fautes et à les délaisser. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le croyant est le frère du croyant. Comme Allah nous le dit dans Suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Donc ce lien solide, ce lien inébranlable qui reste même après la mort est basé sur l'islam. Et l'islam c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Par cette parole on entre en islam. Par cette parole on annonce l'islam. Et c'est le seul lien qui ne se brise pas. C'est le seul lien qui ne se brise pas et qui est continuel. Quant aux liens qui ont été tissés dans ce bas monde, basés sur le profit, comme c'est la plupart des liens dans ce bas monde, et non basés sur la fraternité, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de tous ces liens, Al-akhillaa'u yawma idhin ba'duhum li ba'din 'aduw illa al-muttaqin. Ceux qui se sont liés d'amitié ou ceux qui ont des liens, seront ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les uns envers les autres ennemis. Exception faite des gens pieux. Seuls les pieux qui ont basé leur lien sur l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, seuls ceux-là ne seront pas ennemis. Bien au contraire, ils seront appelés d'entre l'ensemble des créatures. Aina al-mutahabbuna fi jalali al-yawma udhillu fi dhilli udhilluhum fi dhilli. Où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui, je vais les mettre sous mon ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, ce jour durant lequel il n'y aura d'autre ombre, si ce n'est celle-ci. On va appeler et ils vont venir, tous ceux qui se sont aimés sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est fait pour Allah reste et perdure. Ce qui est fait pour autre qu'Allah dépérit et disparaît. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Yakuffu alayhi dhay'a »« Yakuffu alayhi dhay'a » C'est-à-dire, il y a plusieurs sens à comprendre ici. Naam. Il le préserve de tout ce qui peut l'anéantir. Donc, dans ses biens, il le préserve. Il ne lui enlève pas ses droits. Il ne le vole pas. Dans son honneur, il le préserve. Dans son être, il le préserve. Dans son dîn, il le préserve. Il est motivé pour qu'il soit guidé. Il l'oriente. Il le conseille. Naam. Tout ce qui est en sa possibilité, il le fait pour préserver son frère. Naam. Pour préserver son frère. Tout ce qui l'aide à vivre, il le préserve dans cela. Sa subsistance, sa personne, sa guidée sur l'islam, et ainsi de suite. Et il le préserve de derrière, c'est-à-dire, lorsque son frère s'absente, il préserve ses affaires. Que ce soit son honneur dans sa famille, dans ses enfants, que ce soit son argent, dans son commerce, dans ses activités ou dans les dépenses nécessaires pour ses proches et ceux qui sont sous la responsabilité de cette personne absente. Naam. Pour ses avantages et ses intérêts, il fait office de subordonné et de remplaçant durant son absence. Comme si il travaillait pour lui. Mais il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a besoin de faire des courses en son absence, il est présent, c'est à lui qu'on pensera. S'il y a besoin de déposer un enfant ici ou là, c'est à lui qu'on pensera, et il sera là, il sera présent. Et ainsi de suite. S'il y a une menace qui pèse sur le foyer ou une chose redoutée, alors il intervient et il repousse d'eux le mal. Tout cela est pour nous mentionner en réalité ce qui doit découler de la fraternité en islam. Et je vous rappelle le hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu dans le recueil de l'imam muslim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tajassasu, wa la tanajashu. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous détestez pas les uns les autres. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne surenchérissez pas les uns sur les autres sans avoir l'intention d'acheter. Et soyez tous aux serviteurs d'Allah des frères. » Ce est dans la version de l'imam al-Bukhari, wala tadabaru, et ne vous tournez pas le dos. C'est-à-dire, lorsque tu croises, tu rencontres ton frère, tu lui tournes le dos pour ne pas faire face à lui, pour ne pas le saluer ou lui rendre le salut. Et dans ce hadith, on nous mentionne beaucoup de choses qui sont les droits de la fraternité. Et beaucoup de hadiths sont venus dans ces sens-là pour préserver ce qu'Allah Azzawajal a rendu sacré. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Le musulman dans son entièreté est sacré pour le musulman. Que ce soit son sang, que ce soit son argent, que ce soit son honneur. Tout cela découle de la fraternité. Et plus le serviteur a des lacunes dans ses points, na'am, plus le serviteur aura une faiblesse de foi. Sache que moins tu donnes de l'importance à la fraternité, moins tu t'éloignes de toutes les causes qui viennent entacher la fraternité, moins ta foi est forte. Plus ta foi est faible. Et si le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith, وَيَحُوطُهُ مِمْوَرَائِهِ il assure ses arrières, en son absence, il le protège, na'am, ou il s'occupe de ses affaires, à plus forte raison, il ne lui nuit pas, il ne le trahit pas, na'am, il ne le poignarde pas dans le dos. Et certes, de tout temps, dans toutes les voies, le traître à une place avilie, une place mada des plus basses et des plus détestables. Ensuite, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit wa 'anil mustawrid radiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man akala بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. Enfin, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous dit d'après le Mustawrid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque mange par un musulman une chose, Allah le nourrira d'une part équivalente de l'enfer. Et quiconque se vêtit de l'habit par un musulman, Allah l'habillera du même en enfer. Et quiconque se comporte avec un musulman avec ostentation et vanité, Allah tiendra devant lui, se tiendra devant lui avec ou Allah le fera se lever le jour de la résurrection avec, yani pareillement, avec ostentation, que ce soit à travers la vue ou que ce soit à travers l'ouïe. Dans les actions ou dans les paroles. Que signifie ce hadith? Ce hadith signifie que celui qui, pour obtenir sa subsistance, est prêt à trahir son frère et se rendre à son ennemi pour dire du mal de lui, pour le citer en mal, satisfaire son ennemi et obtenir une récompense de nourriture, de vêtements et ainsi de suite, celui qui est prêt à causer du tort et trahir son frère, mentir sur lui ou dire du mal de lui, pour que son ennemi le récompense en lui donnant de l'argent, de la nourriture ou des vêtements, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera cette même chose en enfer, nourriture, vêtements. Et celui qui se lève pour parler, afin qu'on fasse ses éloges, ou pour être vu, pour recevoir des éloges, Allah Azza wa Jal le mettra ainsi, lorsqu'il sera en enfer. Voici le sens du hadith. Je répète, que signifie qu'il mange par le musulman? C'est-à-dire qu'il va satisfaire l'ennemi du musulman, en lui apportant telle ou telle chose, des mauvaises paroles sur cet homme, qui vont satisfaire son ennemi, alors il le récompensera. Il lui donnera de la nourriture. Cette nourriture-là, on lui en donnera en enfer. On lui en donnera en enfer. Il sera châtié par ça en enfer. Il mangera de la nourriture et boira des boissons purulentes de l'enfer. Et ceci fait partie des maladies du cœur. Pourquoi est-ce qu'il s'est comporté ainsi? Pour obtenir une part de la dunya. La plupart des trahisons, c'est pour obtenir un peu plus de dunya que ce que la personne ayant le cœur sale souhaite obtenir en commettant ses actes immondes et nauséabondes. Il s'agit tout simplement d'obtenir une part de ce bas-monde. C'est pas pour s'élever auprès d'Allah qu'il trahit. Ce n'est pas pour paraître mieux qu'il trahit, non, pour obtenir un peu plus de dunya et par envie, par jalousie. Par envie et par jalousie. Il se met alors à nuire à son frère en médisant de lui et en le calomniant. Ainsi, il va satisfaire les alliés du shaytan qui, eux, vont le récompenser pour avoir collaboré avec leur maître, al-shaytan, wal-iyadu billah, et leur semblable. Il a délaissé le parti de Ar-Rahman. Il a choisi le parti du shaytan pour nuire à peut-être un allié du tout miséricordieux. Lui nuire dans son honneur, lui nuire dans sa personne, lui nuire dans ses biens, et ainsi de suite. Ou alors, il a fait cela pour obtenir des vêtements. Bah Allah Azza wa Jal, en enfer, va le vêtir, des vêtements de l'enfer, wal-iyadu billah. Il va le vêtir des vêtements de l'enfer. Et tu trouves même, à cette époque, des gens qui trahissent leurs frères dans leurs entreprises, qui tentent de les voler, ou vole de la marchandise, ou ne signale pas leur retard, leurs absences et prennent pleinement leur salaire. Tout cela entre dans le khiyana. Tout cela entre dans la trahison. Et c'est un des défauts les plus vils dans l'ensemble des communautés et des voies. Et parmi les maladies du cœur qui entraînent tout ça, al-hasad, l'envie et la jalousie. Cela le pousse à trahir son frère, à mentir sur son frère. Il peut même aller rompre le lien avec lui, pour tenter de prendre sa place. Parce qu'il est, par exemple, il a été nommé, il a une promotion dans son entreprise, ou bien c'est un dirigeant, il a une place. Lui veut cette place-là. Que va-t-il faire? Il va aller trouver le patron et lui dire que son frère fait du mal, ou il parle sur lui, ou il ne travaille pas assez bien. Son but est qu'il se fasse virer et qu'il prenne sa place. Son but est qu'il se fasse virer et qu'il prenne sa place. Certains sont prêts à tout. Certains sont prêts à tout pour avoir une part de la dunya et trahissent. Ils oublient qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'ils font et que tout est consigné et que sur cela ils auront à répondre le jour de la résurrection. Aussi, on a un avertissement contre l'ostentation. C'est le fait d'agir en recherchant les éloges des gens. Il agit, il ne souhaite pas la récompense d'Allah. Il souhaite quoi? Il souhaite qu'on dise de lui, que c'est un homme bon, que c'est un homme de bien. Il veut recevoir les éloges. Ou il parle avec éloquence, son seul but, c'est qu'on apprécie son allocution, et il n'attend pas la récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam le menace et nous dit qu'Allah azza wa jal le fera venir le jour de la résurrection dans cette même position. C'est-à-dire qu'on verra et on saura de lui que c'est un ostentateur. Qu'il fait pour les gens. Qu'il dit pour les gens. Et la solution, comme l'explique Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, c'est de se séparer de l'amour des éloges. Naam. Se séparer de l'amour des éloges. Ces gens pour qui on pourrait faire tel ou tel acte. Est-ce qu'ils nous ont créés? Non. Est-ce eux qui nous donnent notre subsistance? Non plus. Ont-ils le pouvoir de nous guider ou de nous égarer? Le pouvoir de nous donner le bien ou de nous retirer le mal? Non plus. Dans notre tombe, pourront-ils nous être d'une quelconque utilité? Le jour de la résurrection, pourront-ils nous sauver, nous faire entrer au paradis, nous sauver de l'enfer? Toutes les réponses sont négatives. Alors, il faut agir pour le Seigneur des mondes. Celui qui, lorsqu'il veut une chose, dit soit et elle est. Celui qui élève et rabaisse, celui qui guide et gare, celui qui donne le bien, qui ôte le mal. Pour Allah Azzawajal, uniquement tu dois agir. Et tu le trouveras toujours devant toi. Il t'aidera, il t'assistera, il te défendra. Et le jour de la résurrection, il t'allégera. Il te jugera selon le jugement facile. Ton livre te sera remis de la main droite. Ta balance des actions, des bonnes actions sera lourde. Celle des mauvaises légère. Tu traverseras Sirat, tu entreras au paradis et tu te réjouiras d'agir, d'avoir agi uniquement pour celui qui avait le pouvoir de te faire entrer au paradis et de te sauver de l'enfer. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين